Bon, ben, je vois qu'il y a certains débats à propos galettes, crêpes. Écoutez, autant voir les choses clairement, hein. La galette est une crêpe au blé noir, et la crêpe est une crêpe base de froment sucré. On va pas se faire chier non plus là-dessus, hein, on va trancher. C'est comme ça que nous, ici, on voit les choses. Et puis, de toute façon, faut arrêter, hein, aussi de faire cuire ça dans des poêles, dans des wok, dans des trucs complètement à la con. Non, non, une crêpe, disons les choses clairement, hein. Ça ne se fait pas sur une poêle, ça se fait sur un bilic ou un crampouz. Alors ça, après, c'est des termes du coin, peut-être pas éviter d'aller dans ces détails-là, mais c'est comme ça que ça se fait, puis voilà quoi. Après, où est-ce que ça a été créé, on s'en fout, hein. Nous on sait très bien que c'est à Saint-Malo que ça a été fait. Après, libre aux autres de dire non, c'était ailleurs, nous c'est là que ça s'est fait, puis point barre, quoi. Voilà, c'était un accident, hein. Quelqu'un a renversé une pâte liquide sur une plaque chauffante qui servait normalement à torturer des sorcières, et puis ils sont perçus que c'était très bon à manger. Enfin voilà quoi, c'est... Bon, après ils ont quand même continué à torturer les sorcières, mais à la base, la crêpe a été faite comme ça, quoi. Voilà.